Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio en ce jeudi 16 juin 2022. Nous sommes le 16 juin, troisième jeudi du mois, et c'est le rendez-vous de la mensuelle carte blanche donnée au Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. C'est le dernier rendez-vous de cette saison 2021-2022. Nous terminons en beauté cette saison avec le Grémos et avec pour représenter l'association aujourd'hui Jean-Michel Stenner qui est avec nous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Lionel. Et Antoine Vernet, salut à toi. Salut Lionel, bonjour à tous. Grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière de la saison, je le disais, en ce jour bien particulier d'ailleurs. On va rentrer de suite dans l'histoire ouvrière ou presque. Nous sommes le 16 juin, c'est une journée à marquer au fer rouge dans le département de la Loire et pas très loin de Saint-Etienne, dans la commune voisine de la Ricamarie. En ce 16 juin, c'est jour de commémoration de la fusillade du Brûlé. Au printemps 1869, on le rappelle, les mineurs sont en lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et le 16 juin 1869, au lieu dit Le Brûlé, les forces de l'ordre tirent sur la foule des manifestants rassemblés pour faire opposition au passage d'un convoi de chargement de charbon. La fusillade fait 14 morts, dont un enfant de 16 mois et de nombreux blessés. Et bien, en honneur de la commémoration de la fusillade du Brûlé, la commune de la Ricamarie, en partenariat notamment avec l'Épal Théâtre, l'autre lieu, organise cette année encore de nombreuses manifestations culturelles à la mémoire des mineurs grévistes. Différents temps forts qui sont proposés depuis quelques jours et quelques jours encore d'ailleurs du côté de la Ricamarie, avec notamment pour aujourd'hui, on le précise tout de même, ce sera à 18h en ce jeudi 16 juin au Monument des Étoiles. C'est la municipalité, la Libre Pensée, l'Épal Théâtre et la Chorale La Barricade qui célébreront ensemble les 153 ans de la commémoration de la fusillade du Brûlé du 16 juin 1869. Et puis on rappelle qu'à 19h, il y aura un petit verre de l'amitié à l'amicale laïque de la Ricamarie. Ça c'était pour... être en phase aussi avec ce jour particulier en ce 16 juin, jour de commémoration, ça me semblait plutôt bienvenu. On y est parfaitement. Antoine et Jean-Michel, pour ouvrir ce programme, on aura peut-être un petit agenda en fin d'émission et de programme, simplement revenir sur l'ordre du jour de cette émission proposée aujourd'hui par Antoine, qui va proposer de revenir sur un mouvement de ouvriers à nouveau, c'est une histoire des usines de la Chaléacière. Tu as intitulé cette émission dans la forge du mouvement social, une histoire des usines de la Chaléacière, 1838-1964. C'est tout l'objet de cette émission du jour et dernière de cette saison 2021-2022. Je vous laisse la parole, messieurs, pour entrer, comme l'on dit, dans le vif du sujet. Bien, merci Lionel. Bonjour Antoine. Comme vient de le dire Lionel, tu nous proposes aujourd'hui un sujet qui a un titre tout à fait, je trouve tout à fait magnifique, dans la forge du mouvement social. Une histoire des usines de la Chaléacière. Alors, on connaît peu les usines de la Chaléacière. Elles sont beaucoup moins connues que Manu France ou la Manufacture d'Armes. Et pourtant, c'est une entreprise essentielle dans l'histoire industrielle. Et on va le voir aujourd'hui dans l'histoire sociale stéphanoise. Une entreprise qui a quand même duré 125 ans, de 1838 à 1964. Et une entreprise que tu as beaucoup étudiée, tu avais fait un premier article, une première intervention dans le cadre des rencontres de 2017 sur la Première Guerre mondiale. Tu avais étudié un peu le fonctionnement de cette entreprise dans le cadre du front de l'arrière, de la bataille pour la production militaire. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à travers ce que tu nous proposes sur trois temps forts qui sont marqués par des grandes grèves de cette histoire, de cette usine de la Chaléacière, presque du début, en tout cas jusqu'à la fin, de 1870 jusqu'à 1964. Donc je te laisse la parole, Antoine. Oui, parce que c'est très ambitieux de vouloir faire en même pas une heure une histoire complète de plus de 100 ans d'histoire industrielle. Donc l'approche par des grèves, par quelques grèves marquantes et par quelques conflits sociaux, on ne va pas utiliser que le mot grève parce que c'est un peu trop réducteur. Mais voilà, c'est une manière d'entrer sur une histoire de à la fois du mouvement ouvrier en général et de voir que les conflits, même si les répertoires d'action, les formes de mobilisation sont souvent les mêmes, il n'y a pas forcément une grande réinvention, mais après, la cause de ces conflits, la nature des conflits, elle va évoluer quand même avec le temps et toujours en lien avec les questions politiques. Elles ne sont jamais très éloignées non plus du côté patronal ou du côté ouvrier, évidemment. Donc, comme tu le rappelais, les usines de la Chaléacière, donc on est à Saint-Étienne, les gens connaissent peut-être l'arrêt de tram, donc on voit, on est... vers le casino Bergson hein, aujourd'hui. On a aussi la Michael Laïc, rue Jean-François Revoli, on va reparler un petit peu de ce monsieur juste après. Et finalement, pour ceux qui n'ont pas connu le site de la Chalet-Assière dans les années 50, c'est compliqué de s'imaginer à quel point, en fait, c'était peut-être en superficie, on n'était pas loin de la manufacture nationale d'armes. Hein. Mmh. On était à l'apogée, à quasiment 30 hectares. Donc, c'était quelque chose de massif, mais qui a été complètement déstructuré. On y reviendra après. Et donc, c'est une société qui est pas forcément très connue. Et pourtant, elle a fabriqué beaucoup de choses. Construction mécanique. Alors, souvent, c'était plutôt des chaudières, mais également des machines pour d'autres industries, des laminoirs, des machines d'exor pour les mines, pour l'aération, pour nettoyer également les houilles, machines d'agglomération, des ventilateurs, des moteurs aussi. Donc, vraiment, une gamme de fabrication très, très étendue. Et donc, une histoire qui va être un peu étonnante parce qu'il y a vraiment deux... Voilà, on fait une émission en trois périodes, mais il y a deux temps importants. La première, c'est celle du 19e jusqu'au début des années 20. C'est une entreprise très incarnée avec des gérants successifs qui sont connus de leurs ouvriers, qui sont des patrons relativement paternalistes, on y reviendra. Jean-François Revolier, un mécanicien génial, un inventeur de génie, qui va reprendre l'atelier de son père et le développer de manière extraordinaire. Vincent Bietrix, un ingénieur centralien, qui vient d'une grande famille du Dauphiné, les Bietrix de Villars, qui va amener de l'argent et qui va amener aussi, qui va redresser l'entreprise. Et son gendre, Joseph Leflève, un polytechnicien, ancien du génie naval, et qui, lui, va tenter d'étendre l'entreprise à nouveau et qui va connaître un peu les soubresauts de la guerre et les conséquences funestes. Mmh. Et après, dans les années 20, on bascule dans complètement autre chose, c'est-à-dire que l'entreprise devient une société dirigée par des actionnaires beaucoup plus lointains. Avant, c'était un actionnariat stéphanois. Là, on va passer à des entreprises d'envergure nationale, la Thomson-Houston française, construction électrique, la Banque nationale de crédit. Et ensuite, on va avoir d'autres actionnaires, toujours parisiens, avant que ça soit une entreprise Schneider et qui va finir par prendre le nom de Schneider. Donc, des patrons qui sont moins incarnés dans la deuxième partie. Des managers que tout le monde a oubliés et dont on a même parfois du mal à retrouver le nom et la période d'exercice. En même temps, tu parlais des répertoires d'actions et je crois que cette histoire, à travers les conflits sociaux, elle nous montre aussi comment évolue l'histoire de la revendication ouvrière et du syndicalisme ouvrier, puisqu'on démarre à une époque où le syndicalisme n'est pas reconnu, n'est pas autorisé, même si la grève vient juste d'être autorisée, et puis on va petit à petit voir s'organiser le syndicalisme. Donc c'est un peu la toile de fond de ce que tu vas nous proposer aujourd'hui. Oui, donc comme je disais, l'entreprise Revolier, elle va prendre plusieurs noms successifs. Au départ, c'est vraiment un atelier familial et puis il va y avoir de plus en plus, alors peut-être qu'on parle encore de compagnons au début, mais après ça sera donc des ouvriers qui vont être de plus en plus nombreux jusqu'à entre les années 1840 et 1870. On va donc passer jusqu'à environ 1000 ouvriers, donc on a quand même quelque chose d'important, mais dans la métallurgie, on n'a pas une tradition très forte de mouvement. On n'est pas du tout dans la passementerie, dans la verrerie, où là, on a des ouvriers très politisés, très conscients de leur force et qui vont souvent animer les mouvements des années 1830-1840. Non, la métallurgie va rester calme beaucoup plus longtemps, même si tout n'y est pas rose non plus. Et finalement, Lionel rappelait la fusillade du brûlé, c'est vraiment le bon marqueur pour commencer une histoire à travers les grèves de la Chalet-Assière. Donc, 16 juin 69, fusillade du brûlé, donc là les mineurs sont à la pointe du mouvement ouvrier, et on va être en mai 1870 dans une entreprise qui s'appelle Forge et Atelier de la Chalet-Assière, et qu'on connaît sous la raison sociale Revolier, Bietrix et compagnie. Où il va y avoir des revendications assez classiques hein, du mouvement ouvrier, des problèmes d'horaire, des problèmes d'heures supplémentaires. Et donc, je vais lire un petit article, alors que c'est le Mémorial de la Loire, le journal bourgeois qui reprend un journal plutôt socialiste, mais dont je n'ai pas retrouvé le, l'original, qui s'appelle L'éclaireur. Et donc, on a un article du 25 mai 1870 qui nous dit « Les ouvriers de la maison Revolier, Biétrix et compagnie ont adressé à leur patron la note suivante. Messieurs, nous venons vous faire part des résolutions suivantes prises dans notre réunion qui s'est tenue hier, 23 mai 1870. Maintenant, messieurs, libre à vous d'accepter ou de refuser. Au cas où vous n'accepteriez pas, nous tiendrons une réunion publique pour aviser à ce que nous aurons à faire. Dans le cas où vous seriez désireux de débattre publiquement avec nous les réclamations ci-jointes, nous sommes disposés à accepter la discussion. Voici les réclamations que notre assemblée vous expose. 1. Une réduction d'une heure de travail sans diminution de salaire. 2. Une augmentation de 50 centimes pour les manœuvres de tout corps d'État. 3. Abolition complète du travail aux pièces. 4. Heures supplémentaires payées aux 50%, dimanche compris, et la paye tous les 15 jours, mais le soir. Les signatures également des ouvriers ensuite. Bon, c'est une grève qui n'est pas lancée que par les ouvriers de la chaleurière, c'est une grève vraiment corporative à l'époque. Ils sont réunis quelques jours avant dans un café Place Royale, Place du Peuple. Le cafetier, au début, il se dit, bon, c'est des gens qui viennent s'amuser. Et puis, il s'aperçoit, en fait, que c'est une réunion syndicale. Et donc, il va appeler la police, hein, parce qu'on a une époque où le Second Empire est libéral, mais on n'a pas encore le droit de se réunir aussi facilement. Et donc, on a les archives de police qui nous permettent de voir, effectivement, que il serait des ouvriers, mécaniciens, chaudronniers, mouleurs se réunissent. Et en gros, ils ont des revendications. Il y a des noms. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom d'ouvrier, malheureusement. Mais voilà, ils s'organisent. Et ils discutent effectivement de ce qu'ils veulent. Donc on peut discuter de l'ordre des revendications, probablement la première est la plus importante. Je pense que la dernière n'est pas inintéressante, le fait d'être payé tous les 15 jours, mais le soir. Moi, j'ai l'impression que c'est simplement le fait que l'ouvrier veut pouvoir faire ce qu'il veut de la paye et éventuellement aller au bistrot, cabaret. Au cabaret, sans que sa femme ait le temps de mettre la main sur l'argent. Bon, on est encore dans un moment où la figure ouvrière, le sublime, est très, très, très forte. Et on a une revendication qui ne sera pas acceptée, je le dis tout de suite, c'est celle de l'abolition du travail aux pièces. Voilà, c'est une manière de payer au rendement, qui est toujours une revendication des ouvriers, mais que les patrons, et à la chaleurière, c'est le cas, ne donnent quasiment jamais, ou alors vraiment quand ils sont sous la contrainte. On est frappé quand même du ton très respectueux. Oui, je peux compléter pour vraiment donner le côté exemplaire de ce ton très, très mesuré. On respecte les patrons. Et en plus, Revolier est apprécié de son personnel. Hein, Donc l'article du lendemain de l'éclaireur, l'usine Revolier est en grève. Les concessions faites par messieurs Revolier et Biétrix n'ont pu satisfaire les ouvriers. Voici la lettre, donc ça c'est dans le mémorial. Messieurs, nous ne pouvons adhérer aux concessions que vous nous faites tant que les articles compris sur notre première demande ne seront pas acceptés. Nous ne pourrons reprendre nos travaux si vous n'adhérez pas aux articles ci-dessous énoncés. Et ça reprend la liste que j'ai déjà dite. Donc on est vraiment dans quelque chose de très formalisé, très ritualisé. On formule des revendications, on se réunit au café à l'époque, il n'y a pas de bourse du travail. On formule des revendications. On donne un ultimatum, on se met en grève si vous n'y répondez pas. Les patrons prennent le temps de la réflexion. Peut-être des fois ils exagèrent, la réponse est connue, mais ils prennent le temps quand même de manière rituelle. Et puis la grève commence, et puis il y a une petite concession. Et sincèrement, la concession, là, elle est modeste. Il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est dans le nota bene du deuxième article. Monsieur... Veuillez annoncer la réponse comme il vous plaira, par la voix des journaux ou comme vous l'avez fait précédemment, probablement par un affichage sur les portes de l'atelier. Donc ça nous montre quand même qu'on n'a pas encore le biais des délégués syndicaux, des syndicats et comme tu l'as dit, de la bourse de travail. Il y a des tentatives de délégués syndicaux, enfin de délégués ouvriers, mais généralement ça se finit mal pour eux. Oui, c'est ça. Et donc la seule concession, c'est la réduction d'une heure de travail, sans la diminution de salaire. On a une époque où on travaille 10-11 heures par jour. Hein. Oui. C'est pas négligeable quand même la réduction d'une heure. Non, mais c'est une concession qui peut être facilement reprise par la suite. Oui. Donc ça, c'était un premier exemple. Après, la chaleurière, les années 1880, début 90, c'est relativement calme, même si la métallurgie française commence à connaître un peu plus de grèves corporatives, ça se multiplie. Et c'est une époque où la chaleurière, elle est, elle est moins bien. Économiquement, elle est moins bien. Revolier meurt subitement en 77. Beatrix, avec l'argent de sa famille, essaye de redresser l'entreprise qui est concernée par la crise de la métallurgie locale, hein, qui est importante. Il y a des ateliers qui sont fermés, et une aciérie qui est fermée. Donc, oui, il y a des licenciements massifs à la manufacture d'armes dans les années 1800. Voilà, mais on redescend, je pense, plus autour des 400 ouvriers. Ouais. J'ai plus le nom, mais voilà, le nombre exact. Mais voilà, c'est une entreprise qui réduit nettement sa voilure et qui va la reprendre un peu à la fin des années 90. Et notamment quand Beatrix va associer celui qui devient son gendre, Le Fleuve, à la gestion. Et donc là, on a une autre grève corporative importante, février-mars 1901. Qui est un conflit d'atelier, hein, au départ, c'est un contremaître qui est trop sévère et qui va renvoyer 3 ouvriers de son atelier. On est en février 1901, et donc l'atelier va se mettre en grève, réunion à la Bourse, place Jean Jaurès, enfin, place Marengo à l'époque, les revendications. Les autres ateliers ont des revendications, donc ils se greffent au mouvement, et en fait, voilà, on a un mouvement qui va concerner toute l'usine au final. À la fin février, début mars, mais avec des revendications qui satisfassent tout le monde pour que tout le monde puisse participer. On est à une époque où 1900, il y a la grande grève des passementiers, grève des mineurs à plusieurs reprises, notamment en 1900 avec l'arbitrage Gruner-Jaurès. Est-ce que c'est vraiment une des premières grandes grèves des métallurgistes, d'après ce que tu disais tout à l'heure? C'est plus au départ passementier ou mineur. Je pense qu'elle va être éventuellement exceptionnelle par l'ampleur de l'effectif de la chaleassière, mais on est vraiment dans le fonctionnement assez ordinaire des grèves corporatives de l'époque. Je lis simplement les revendications, et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a une affiche qui va être placardée par les gérants Beatrix et Le Fleuve pour y répondre. Je ne vais pas tout lire, mais donc demande des ouvriers, renvoi du contremaître, non. La réponse patronale, mais afin d'éviter que les ouvriers se croient à la merci de leur contremaître, les gérants ont décidé que toute embauche ou renvoi serait approuvée par eux. Petite concession. Réintégration des 3 ouvriers congédiés. Un seul avait été congédié, il ne rentrera pas, les 2 autres ont été suspendus et ils seront repris, bon, avec une petite perte de salaire, mais... 25% pour les 2 premières heures supplémentaires, 50% pour le travail de nuit. Ce n'est pas à l'avantage des ouvriers. Les patrons aiment à leur faire profiter des périodes d'abondantes commandes. Si les heures supplémentaires doivent être payées cher, ils les supprimeront et feront davantage d'embauches en temps de presse. Ils examineront néanmoins la chose après la reprise du travail, si les ouvriers le désirent. La journée minimum de 3,50 pour les manœuvres, non. Suppression du travail aux pièces, non. Aucune victime pour fait de grève, oui. Donc ils sont très malins, les gérants, parce qu'ils arrivent à présenter les choses d'une manière qui soit acceptable pour les ouvriers, qui n'ont pas envie de perdre quand même trop de journées de travail, de salaire. Mmh. Et donc, ils vont réussir de manière vraiment magistrale à reprendre le contrôle de la situation et à mettre fin à cette grève. Oui, en tablant un peu sur une division aussi. La suppression du travail aux pièces, ils répondent « Ce système est trop profitable aux bons ouvriers qui désirent d'ailleurs le conserver. » Oui, mais ça, c'est toute la question, en fait, de la gestion du personnel, du paternalisme, proximité avec les ouvriers. On finance les œuvres sociales ou les initiatives ouvrières type société de secours mutuelle. On n'est pas là pour diviser son personnel en soi, mais effectivement, les bons ouvriers sont ceux qui pour une juste cause, peuvent arrêter de travailler, mais dès que les patrons font preuve de bonté et de compréhension, comprennent qu'il faut reprendre le travail tout de suite. Et les meneurs, les emmerdeurs, finalement, on profite des grèves pour ne pas les reprendre à l'embauche. Si je peux me permettre une question, la question du contremaître, parce que ça revient régulièrement, y compris dans les décennies qui suivent. Donc, la relation entre contremaître et ouvrier, est-ce que tu peux développer un petit peu précisément à travers ce que tu as vu dans les archives et dans les lectures? Il y a de la violence quand même. Oui, de toute façon. Alors, contre-maître, on va reprendre même l'étymologie. Le contre-maître, c'est celui qui incarne le maître, donc le maître ouvrier à l'époque, à la période révolutionnaire, quand le patron n'est pas dans l'usine. Donc, c'est une incarnation d'une autorité patronale, donc c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire plaisir aux équipes de travail. Souvent, les contremaîtres sont issus du rang, donc effectivement, il y a quelques fâcheries avec leurs anciens collègues. Et puis, il y a une forme de, effectivement, d'arbitraire, d'autorité. Certains contremaîtres sont plus ou moins doués, mais il n'y a pas de formation pour être contremaître. Il y a juste une question d'éthique personnelle, et puis la volonté d'être rémunéré, d'avoir des avantages. Mmh. Les contremaîtres sont parfois mensualisés, ils ont d'autres possibilités de reconversion quand ils ne peuvent plus être à l'atelier, etc., etc. Donc, ça se passe souvent mal, et c'est très souvent les... Il y a trois raisons pour les grèves. Hein. C'est le contremaître qui se comporte mal avec des ouvriers ou qui ne veut pas leur donner la prime. Sinon, c'est problème de temps de travail. Sinon, c'est problème effectivement des heures supplémentaires. Donc, c'est assez logique que le conflit parte de ça. Et c'est assez logique que ça soit le meilleur moyen d'y remédier finalement. Et donc, voilà, la Chalassière survit facilement à cette grève. Et c'est une entreprise qui va reprendre avec un esprit paternalisme, avec... La foi chrétienne de ces gérants très, très appliquée dans les relations sociales, ça va faciliter une expansion industrielle dans les années 1900 avec notamment la fondation d'une société des moteurs Chalet-Assière en 1908. Bon, on va faire une petite pause musicale. La Carmagnole. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. À Louis Grotagour du temple dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses nous avaient promis, les Suisses nous avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la cour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Lorsque Louis vit fossoyer, lorsque Louis vit fossoyer, à ceux qu'il voyait travailler, à ceux qu'il voyait travailler, il disait que pour peu, il était dans ce lieu. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Le patriote... Antoinette et Antoine surtout dans cette émission du Grémos aujourd'hui, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, la Carmagnole, chanson créée en 1792 au moment de la chute de la monarchie et hymne des sans-culottes bien entendu. Cette émission du Grémos, c'est la mensuelle de ce mois de juin, troisième jeudi du mois, vous le savez, et une dernière émission de cette saison 2021-2022 qui s'intéresse dans la longue durée, je reprends la présentation d'Antoine, à quelques conflits ayant émaillé l'existence de l'un des plus grands sites industriels de Saint-Étienne, de sa fondation en 1838 par le fondeur et donc fondateur Jean-François Révolier jusqu'en 1964. Les usines de la Chalet-Assière qui ont incarné à la fois l'un des fleurons régionaux de la construction mécanique et de la machine-outil, comme vous venez de le présenter dans cette première partie d'émission, mais également un vivier remarquable de militants et de conflits de travail. Émission du Grémos avec Jean-Michel Stenner et Antoine Vernet. Je vous laisse prendre la suite de cette émission et donc deuxième partie consacré précisément en premier lieu à une tentative ou tentation révolutionnaire. Merci Antoine, la Carmagnole, tu as choisi cette chanson, et c'est pas tout à fait par hasard, parce que effectivement c'est une chanson révolutionnaire de la Grande Révolution française, mais c'est une chanson que les militants chantent souvent dans les défilés à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, ils chantent aussi la Marseillaise. L'Internationale vient tout doucement, elle s'affirmera surtout après la Première Guerre mondiale, avec la Révolution russe. Mais c'est un pont vers l'idée que, effectivement, la deuxième période du sujet que tu nous proposes aujourd'hui, tu l'as intitulée « La tentation révolutionnaire ». Et les usines Le Fleuve, dans les années 1920, 1924, 1925, sont un peu le berceau du syndicat unitaire de la métallurgie dans la région stéphanoise. Oui, avec des militants bien connus. De premier plan. Alors, juste pour l'anecdote, en 1901, dans un rapport, je ne sais plus si c'est du commissaire central ou du commissaire spécial de police des chemins de fer, l'ancêtre DRG, il est bien spécifié que les ouvriers se rendent à l'usine sans chanter la Carmagnole. Mmh. Donc pour dire à quel point ce sont de bons ouvriers qui ne veulent pas affoler le bourgeois. Oui, donc effectivement, un vivier de militants. Alors d'abord, on a la période de guerre. On va en dire quelques mots quand même. Parce qu'en 1917-1918, la Chalassière sera pas le seul, mais un des grands lieux d'agitation ouvrière contre la guerre et également pour la revalorisation des salaires. Mais c'est une époque où, avec la mobilisation, beaucoup de soldats finalement ne sont pas... beaucoup d'ouvriers sont partis dans d'autres usines ou au front directement, et ce sont des ouvriers venus d'autres régions, notamment de la région parisienne, qui sont employés dans les usines. Et donc, on va avoir une vraie montée. On en a déjà parlé dans d'autres émissions précédentes du Grémos, donc je vous invite à aller écouter les podcasts. Mais voilà, ce qui au départ est une mobilisation autour du pacifisme, hein, même avant le déclenchement de la guerre en août 14. Les syndicats acceptent, contraints et forcés, de participer à l'effort de guerre, mais l'union sacrée, le contrôle social, le contrôle militaire qui en résulte, il va se fissurer progressivement. Et la question de la vie chère, la question des mauvais salaires, ou la question de l'arbitrage des conflits du travail, on parlait des contremaîtres, le refus de la Chalassière, non seulement d'appliquer le bordereau de salaire qui est négocié en 1917, pour revaloriser tous les personnels du bassin, mais également de reconnaître l'activité des délégués d'atelier qui ont été instaurés par Albert Thomas dans un esprit de conciliation. On voit qu'on a un Joseph Le Fleuve qui se crispe sur sa position et qui... Il devient un patron de combat. Oui, mais quand on travaille pour la défense nationale, on est forcément un patron de combat. Mmh. En 1912, il y avait une grève pacifique des mouleurs. Les mouleurs ont été virés parce que c'est une usine qui travaille pour les armées. Donc dès qu'on sort un peu du cadre de la défense nationale, de cet intérêt-là général, on peut en débattre, mais forcément les choses ne vont plus. Et donc la guerre, on a deux périodes de grève en 1917. Juillet, c'est pour l'application du bordereau. Novembre-décembre, c'est la solidarité avec un grand meneur syndical qui s'appelle Clovis Andrieux, qui est un représentant de ce qu'on appelle la tendance minoritaire dans la CGT. Et en mars 1918, on a encore des problèmes de salaire. En gros, on transforme ce qui est un salaire fixe en prime, ce qui passe assez mal. Et après, on a aussi les minoritaires qui ont leur congrès prévu en mai 1918, et on a beaucoup d'agitation à Saint-Étienne. Je me permets, Antoine, de renvoyer les auditeurs au livre qu'on a tiré de notre colloque de 2017, « Le monde ouvrier face à la Grande Guerre, le bassin de Saint-Étienne, 1910 à 1925 ». Nous en avons encore des exemplaires et il est possible de les commander auprès du Grémos. C'est un très bon livre. Voilà. Et donc, alors 1924, la grève de 1924. Oui, alors c'est grand mouvement. Pour faire la transition, les minoritaires de guerre, donc les minoritaires de la CGT, vont aller vers la scission, et on aura le congrès fondateur de ce qui va s'appeler la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, en 1922 à Saint-Étienne. En juin. Il y a exactement un siècle. Et cette CGTU, ces unitaires, en fait, c'est un syndicat qui est assez pluriel. On a des communistes, hein, l'inspiration des révolutions russes et surtout de celle d'octobre est très forte dans le mouvement ouvrier, mais on a également une tradition beaucoup plus de syndicalisme révolutionnaire aussi. La Jalassière, à la sortie de la guerre, c'est une entreprise qui va de mal en pis. En fait, c'est une entreprise qui a trop grossi pendant la guerre, et quand l'État ne paye plus les commandes après l'armistice, en fait, c'est une entreprise qui va à la catastrophe. Et qui va tomber aux mains de la Banque Nationale de Crédit, qui est son principal créancier. Il va y avoir une transformation de la société. On fonde une société anonyme des établissements Le Fleuve. Le Fleuve est toujours à la tête, mais c'est un gérant, un directeur très contraint. On peut rappeler aux auditeurs que c'est précisément le moment où on passe de l'incarnation du patronat à l'anonymisation du patronat. Oui, et la grève de 24, en fait, c'est la bascule. Parce qu'on a un moment politique intense, syndical intense, on a des revendications. La journée de 8 heures qui a été donnée, octroyée par une loi en 1919, mais qui n'est pas appliquée véritablement. Hein. Beaucoup de dérogations sont accordées aux entreprises. Toujours la question des salaires, parce que en fait, le coût de la vie a commencé à baisser, donc les primes sont supprimées. Et les ouvriers peuvent pas forcément accepter facilement, surtout qu'on est une époque où l'impôt sur le revenu a été instauré, donc la question de la rémunération, elle est toujours très, très, très aiguë. Et en plus, on a un contexte politique avec les élections législatives de mai 1924, qui fait que les militants communistes sont très, très mobilisés. Et en fait, on a une ambiance qui dans l'ensemble de la météorologie stéphanoise, on a pas mal de petites grèves, de petits mouvements dans les usines du cycle, et les patrons du cycle donnent en fait des augmentations sous la contrainte. Et à la Jalassière, en fait, ça ne va pas être la question du salaire au départ, ça va être la question des 8 heures. On a, dans l'atelier de fonderie, on a des ouvriers qui abandonnent la coulée parce qu'ils sont arrivés aux 8 heures. Et en fait, il aurait fallu travailler une 9e heure et finir, ne pas s'aborder la coulée. Et le lendemain, et ces ouvriers sont renvoyés. Et là, tout l'atelier va se solidariser, mené par quelqu'un d'important dans le mouvement ouvrier, qui est Petrus Faure, le futur maire du Chambon-Feugerolles, et qui à l'époque est un des animateurs du syndicat unitaire des métaux. Et en fait, donc, ça part de l'atelier du moulage, et ça va s'étendre à l'ensemble de l'usine, et ça va même s'étendre au-delà, à l'ensemble des usines métallurgiques stéphanoises. Et on a de nombreux militants qui vont vraiment animer ce mouvement. Donc, tu en parlais tout à l'heure, on peut penser donc, en plus de Petrus Faure, à Marcel Thibault, à Benoît Frachon, qui sont quand même deux figures très importantes de l'histoire syndicale et politique stéphanoise, et pour Frachon, nationale. Et d'autres militants importants, dont Daniel Colson avait beaucoup parlé dans son ouvrage « Anarcho-syndicalisme et communisme », comme Henri Lorduron, Albert Dieu, etc., etc. On a même la CFTC, qui est un jeune syndicat, mais qui est mobilisé dans cette grève, ce qui n'est pas simple, parce qu'un syndicat de travailleurs chrétiens se mobilise contre un patron très chrétien. Et donc ça finit mal pour tout le monde, je renvoie à l'émission qu'on avait faite sur le sujet, mais c'est un échec ouvrier, mais c'est un échec patronal aussi. On rappelle que les émissions sont désormais en podcast et accessibles sur notre site. Sur le site du Grémoz, grémoz.fr, et sur le site de Radio Dio également. Et donc, Le Fleuve, en fait, c'est un patron qui est tellement pressuré par ses actionnaires, par sa banque, qu'il ne veut rien céder. C'est la dernière autorité qui lui reste, il ne veut pas céder à ses ouvriers, et il préfère mettre son entreprise dans une situation inextricable que de céder. En plus, Le Fleuve a été courroucé par une lettre pastorale du cardinal archevêque de Lyon, le cardinal Morin, qui disait que les ouvriers avaient tout à fait le droit de se mobiliser, de se syndiquer, et de lutter pour des justes causes. Donc c'est vraiment un camouflet pour Le Fleuve qui, en 1925, se traduit aussi par la liquidation de la première société de la Jalassière, et il perd en fait son poste, il est obligé de démissionner, et c'est là qu'on passe à une autre séquence de la vie de l'entreprise. À partir de 1925, avec la présence des communistes qui toujours dans l'usine. On a une longue agonie de financière. On va y avoir une entreprise qui va, à partir de 1932, ça sera encore pire au niveau économique. Mais même si l'entreprise maintenant s'appelle Société Nouvelle des Usines Jalassières, à partir de 1926, on est toujours chez Le Fleuve pour les ouvriers, parce qu'on a encore un symbole patronal facile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la cellule communiste qui est intégrée à l'usine a une activité très intense de propagande. Mm. Et j'ai montré deux publications, deux feuilles de l'entreprise. J'aimerais bien que tu nous les décrives un petit peu, Jean-Michel. Donc alors, tu nous as apporté effectivement ce qu'on peut appeler des feuilles d'entreprise, c'est ça, des journaux d'entreprise. Alors il y en a un qui s'appelle le Métallo Rouge, qui est le plus ancien. 1925. Et puis le Fleuve Unitaire. Plus tardif, 32, tu m'as 31. Dit 31. Alors que l'entreprise ne s'appelle plus le c'est Fleuve ça, depuis, c'est 26, intéressant. Depuis 26. Intéressant. Alors, des petits journaux qui sont tout à fait, je dirais, dans la ligne de l'enseignement bolcheviste. Il faut faire un travail d'information, de collecte d'informations dans les entreprises et en profiter à partir de ce travail pour faire de l'agitation. Alors, on y trouve à la fois des indications sur la question du salaire. Dans le premier, j'ai été frappé par le fait qu'on se bat apparemment victorieusement pour une égalité du travail, du salaire homme-femme, donc en 1924. Il y a des petits échos d'entreprise qui sont tout à fait caractéristiques de ces journaux. Et puis, un appel à fournir des informations pour nourrir la feuille d'entreprise. Il y a aussi des informations qui sont plus proprement politiques. Alors il y a dans le premier, le Métallo Rouge, tout un développement sur la guerre du Maroc, qui est un des grands combats du jeune parti communiste, et dans laquelle s'implique beaucoup la jeunesse communiste, dont fait partie Marcel Thibault. Et puis, dans le Fleuve Unitaire, là on voit apparaître le sigle CGTU. Donc des petits documents qui sont tout à fait précieux, intéressants, et qui montrent aussi, effectivement, sous un dehors un peu humoristique et en même temps très dénonciateur, ce qu'est la vie de l'entreprise. Là, on retrouve encore ici la dénonciation des contremaîtres, c'est ça ? Donc, rien ne change et pourtant tout change, c'est-à-dire qu'on a toujours ces mêmes revendications, cette même vie quotidienne de l'usine, finalement, mais on a le projet communiste derrière. Et pourtant, malgré cet activisme très important, malgré les efforts qui sont faits, bon, il n'y a pas beaucoup de moyens dans ces feuilles, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'engagement. Les usines Le Fleuve, comme elles sont dans une situation économique très difficile, qu'il va y avoir des licenciements importants en 1932, on va passer de 1000 à je crois 450 ouvriers, enfin c'est vraiment une usine qui va très mal, mais voilà, cette activité communiste, c'est une présence continue, mais elle ne va pas déclencher des mouvements d'ampleur. Et on arrive avec la guerre au moment où les communistes ne sont plus les bienvenus partout et encore moins dans les usines de guerre. Et donc il va y avoir des listes d'ouvriers qui vont être faites, qui vont être données à l'administration en février 40, on est encore dans la période républicaine, et ça va avoir des conséquences parce que à la libération, ce sont souvent, alors des anciens FTP en particulier, mais des militants communistes et CGT qui vont s'emparer de l'usine, et les dirigeants, les cadres vont se retrouver épurés, ils vont être mis au centre de criblage sous écrou à Grouchy. Rappelez que comme tu as fait allusion, épuration qui répond à une épuration. Oui. C'est-à-dire que le marqueur, c'est la grève du 30 novembre 38, dont on a fait une émission aussi, que vous pouvez retrouver en podcast. Et à partir de la déclaration de guerre et surtout du pacte germano-soviétique, donc c'est la dissolution du Parti communiste le 26 septembre, et les militants communistes sont systématiquement pourchassés. Alors, dans la SNUC, la Société Nouvelle des Usines de la Chaliassière, il y a effectivement une chasse aux communistes qui va durer... Comme partout. Qui va durer, oui, mais peut-être plus qu'ailleurs, le passé expliquant peut-être cela. Une chasse qui va durer... certains sont arrêtés simplement pour pouvoir faire grève, et certains vont rester un an et demi, deux ans, trois ans en camp d'internement. Oui, donc... Il y a un ressentiment qui est tout à fait légitime. Donc en 1945, il y a effectivement... Et ça fait partie des quelques usines où la direction, effectivement, est exfiltrée de manière assez violente. Et on aura un comité de gestion qui va gérer l'usine pendant 6 mois. Alors, les membres vont changer. Il va y avoir des gens un peu plus, un peu plus compétents très rapidement, mais les cadres, quand les cadres vont revenir dans l'usine, il y aura une grève d'une demi-heure pour marquer leur retour. Voilà, on va refaire une pause musicale. Eh bien, on fait une nouvelle pause musicale, en effet, et tout en transition avec ce que vous venez d'évoquer à l'instant, parce que c'est un chanteur qui a été très largement repris par le mouvement communiste et antifasciste. Il s'agit d'un chanteur anglais, Billy Bragg, qui reprend là une version d'une chanson traditionnelle ou presque, écrite initialement en 1913 par Joe Hill, une chanson qui reprend ce qu'on a appelé les Wobblies, le mouvement des travailleurs ouvriers du monde, et qui ont consacré une grande partie de leur travail en essayant d'organiser les travailleurs migrants dans des camps de construction. Et cette chanson de Joe Hill, certes en 1913, elle-même est une chanson qui utilise l'air de l'hymne de 1899 de Lewis C. Jones, There is Power in the Blood. Ça me semble bienvenu pour écouter ce titre, There is Power in a Union. Il y a donc du pouvoir dans l'union. Billy Bragg. Syndicat. Ouais, syndicat. We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. Wars have always been the bosses wiser. The Union forever defending our rights. Down with the blackleg, the workers unite. With our brothers and our sisters from many far off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. There is a power in a union. C'est Billy Bragg qui a utilisé et réutilisé donc cette chanson, je le disais, un titre de 1913 écrite par Joe Hill, une chanson qui reprend l'air de la chanson There is a power in a blood de Lewis C. Jones en 1899. Et Billy Bragg a lui réutilisé donc ce titre en 1986 sur l'album Talking with the Taxman About Poetry. Vous êtes toujours dans l'émission du Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, dernière de cette saison 2021-2022, une émission consacrée aux usines de la chaléacière et la lutte continue. On est sur la période 1838-1964, on avance dans le temps et on d'ailleurs aborde cette dernière ligne droite partie d'émission avec Jean-Michel Sénér et Antoine Vernet du Grémos. Eh bien Antoine, au lendemain de la guerre, les syndicats ont failli prendre le pouvoir, hein, power to the union. Il y a eu une tentative, mais très rapide, très, très brève, de contrôle ouvrier. Et en même temps, c'est le moment où l'entreprise bascule. Ce n'est plus une entreprise stéphanoise, puisqu'elle est prise le contrôle en est pris pendant la guerre par Schneider. Oui, donc les forges et ateliers du Creusot, entreprise Schneider, symbole s'il en est de la métallurgie française ou des marchands de canons, ça dépend ce qu'on a envie d'y voir. Ah bah ils font du métal pour faire des canons. Oui, de toute façon. Mais donc la Chalet-Assière, dans une déroute financière importante dans les années 30, va louer ses actifs à partir de 1941 à une banque qui est en fait la banque du groupe Schneider. Et donc va mettre ses actifs au profit de Schneider. Et en 1946, la Société Nouvelle des Usines de la Chalet-Assière intègre vraiment le groupe Schneider et va être à l'origine de ce qui va s'appeler la SFAC, la Société des Forges et Ateliers du Creusot, qui est créée en 1949. Donc c'est la fin de l'indépendance et puis c'est l'imposition d'un nouveau style de direction. Les Schneider ne sont pas réputés pour être des patrons progressistes et ça va être quelque chose en plus avec, on parlait de l'épuration à la libération de la direction, il faut imaginer qu'ils se disent dans quel... On prend une entreprise qui était notre concurrente parce qu'on a cette opportunité, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette entreprise et comment on va la gérer? Et en fait, ce qui va être la première alerte, ça va être 55. Mmh. En 1955, alors déjà il y a un premier événement, ça peut paraître anecdotique, mais en octobre 54, il y a un des ateliers, celui où on fabrique les obus, qui brûle. Et en fait, en avril 55, on apprend que l'atelier ne rouvrira pas, qu'on va transférer les fabrications dans une autre usine du site. Et quelques mois après, on a un autre contexte national brûlant avec les événements, les grèves en Loire-Atlantique, qui partent des chantiers navals de Saint-Nazaire, mmh. et qui sont un mouvement qui est très fort et qui est très important dans l'histoire syndicale et ouvrière des années 50, parce qu'il y a une répression assez violente. Il y aura un mort lors de manifestations à Nantes, et ça va beaucoup marquer le reste de l'industrie française, parce qu'il va y avoir des augmentations très fortes, je crois de 22%, qui vont être octroyées pour mettre fin au conflit. En plus, on a la question du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est revalorisé, et donc en fait, à la Chalet-Assière, comme dans l'ensemble de la métallurgie stéphanoise, ils vont se dire qu'il faut absolument, profiter de l'occasion pour obtenir une revalorisation de la convention collective. Et donc c'est un mouvement qu'on va retrouver à la CAFL, chez Automoto, chez Manu France. Et à partir du début septembre 55, dans pas mal d'usines, il y a des débrayages, il y a des grèves de quelques heures. Et donc il y a une activité syndicale très forte pour mettre la pression sur le patronat métallurgique qui est incarné par l'Association des syndicats métallurgiques patronaux de la Loire, la SMPL. Et donc CGT, CFTC, FO d'un côté et la SMPL de l'autre vont renégocier la convention collective des ouvriers de la métallurgie. Le patronat stéphanois n'est pas toujours d'accord. Il va y avoir une scission syndicale patronale, mais ça c'est une autre histoire. Et surtout, à la SFAC, ça ne va pas du tout passer. Il va y avoir, en réponse aux nombreux débrayages, un lock-out. Le lock-out, c'est l'inverse de la grève, c'est quand c'est le patronat, la direction de l'entreprise, qui ferme les portes de l'usine pendant quelques jours. Et donc, ce lock-out, il est décidé, je crois, le 14 septembre, et il va durer 2 semaines. Et non seulement il y a ce lock-out, mais très vite, la direction de la SFAC annonce une restructuration à venir. La cause de la restructuration, c'est l'augmentation des salaires. Si la convention collective qui est signée les 23 et 30 septembre impose d'augmenter les salaires, l'usine de Saint-Étienne n'est plus rentable. Et comme Saint-Étienne n'est plus le cœur de l'entreprise, il va y avoir la fermeture de l'atelier de fonderie, la fermeture du modelage, et on a plus de 450 licenciements. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il y a d'autres licenciements à l'époque, mais 450, on est vraiment dans quelque chose de massif. Mmh. Les meneurs syndicaux sont réprimés aussi. Voilà, on profite de l'occasion pour en licencier quelques-uns. Mais c'est vraiment, la SFAC refuse de jouer le jeu de la négociation collective. Et elle dit, voilà, c'est notre intérêt économique, ce n'est pas de participer à ce genre de cadeaux aux ouvriers. L'entreprise démissionne de la chambre syndicale des constructeurs mécaniciens. Donc c'est vraiment un premier refus et un premier coup de semonce pour l'avenir de l'entreprise. Et donc de 1500 ouvriers, on passe à 1100 ouvriers à peu près à la fin de l'année 55. deux choses que je voudrais dire. D'abord, pour les auditeurs, on avait parlé tout à l'heure au tout début du site. Donc, ils ont l'occasion, s'ils veulent, à propos de ce conflit, de voir quelques photographies sur le site des archives municipales de ce conflit où on entrevoit l'usine. Donc, les photos de Léon Leponce, voilà, en plus. Les photos de Léon Leponce. Les manifestations, etc. Et parmi les acteurs, donc il y en a un qui va jouer un rôle important par la suite, hein, c'est Charles Fitterman. Et puis, Maurice Combes. Peut-être tu dis un mot de Maurice Combes. Alors, Fitterman, c'est pas tant Fitterman encore. Il arrive juste après, je crois. Mais c'est quelqu'un qui est important à la CGT. Et Maurice Combes, lui aussi, va prendre une importance pour le deuxième conflit, celui qui va mettre fin 64. À l'histoire de la SFAC à Saint-Étienne, en avril-juin 1964. Et donc là, il faut imaginer que le groupe Schneider, qui est toujours propriétaire de la SFAC, a connu pas mal de bouleversements. Charles Schneider, le dernier membre de la famille qui était dirigeant, décède en 60. On a progressivement le groupe Empain, groupe belge, qui va prendre le contrôle de l'actionnariat de Schneider. Et on a aussi une réorganisation de la SFAC. Il y a une fusion en 63 avec une autre entreprise du groupe qui s'appelle Batignolles-Châtillon. Et c'est l'ancien dirigeant de Batignolles, Jean-Laurent Delpech, qui va devenir le patron de la SFAC. Et en 64, il y a une autre restructuration qui se fait, c'est qu'il y a un rapprochement avec une autre entreprise qui est d'origine grenobloise, qui s'appelle Vialet-Bouchaillet. Et donc, une stratégie industrielle qui est vraiment métamorphosée pour la SFAC. Et en fait, Saint-Étienne, ça apparaît plus comme un poids, un coût, que comme un avantage pour le groupe. Et donc, il décide une restructuration importante. Il y a des rumeurs en mars. Et puis, il y a le comité central d'entreprise du 16 avril 64. Et là, on annonce carrément que la chaudronnerie, l'atelier des ponts roulants, celui des vannes, vont fermer. La chaudronnerie, c'est une activité historique de l'entreprise. Donc, c'est vraiment quasiment la fin. Les machines vont être transférées dans les autres sites, notamment vers Chalon, sur Saône. Et puis, on dit que bon, l'atelier de machines-outils va rester, mais avec une autre raison sociale, qui est HES, Ernaud Somua, une autre filiale de Schneider. Et là, c'est la sidération. Une question, Antoine. On est en pleine période pompidolienne. Non, pas encore. Si, 62. 62, 64, oui, savez. Premier ministre. Oui, c'est ça, Premier ministre. Et donc, on sait que Pompidou avait lancé ce qu'il appelle l'impératif industriel. Est-ce que l'État manœuvre derrière tout ça? Alors, bon, le pompidolisme industriel, c'est plus quand il est président à partir de 69, mais ce qui est sûr, c'est que pour la sidérurgie, il y avait déjà une injonction étatique au rapprochement et aux fusions. Et en fait, avant le mariage avec Vialet-Bouchaillet, ce qui se discutait, c'était la fusion possible, en tout cas le rapprochement, entre la SFAC et une entreprise stéphanoise, enfin ligérienne en grande partie, la CFL, Compagnie des ateliers et Forges de la Loire. Donc en fait, déjà en 63, on parle de Creusot-Loire, mais Creusot-Loire n'arrivera qu'en 70 et un peu trop tard peut-être pour l'histoire de la sidérurgie et donc, de la Loire. Et donc c'est les managers qui sont vraiment aux manettes de ces, véritablement, ces opérations. Donc là, c'est une opération industrielle, financière, c'est une logique financière pure et dure. Mais en face, donc, la sidération, on ferme une entreprise qui fait du bon boulot. Donc là, la combativité ouvrière, elle va être très forte. Et les trois unions régionales de la métallurgie vont être vent debout. Et donc, tu parlais tout à l'heure de Maurice Combes. Donc Maurice Combes, qui est un prêtre ouvrier, qui a été réfractaire, je ne sais plus si c'est le bon mot, en 54, quand il y a eu l'interdiction prononcée par le Vatican, qui est donc resté à l'usine et qui est un délégué syndical à la SFAC, et qui va être vraiment le meneur le plus iconique de cette grève pour la CGT. Et notamment, il y a des photos de lui haranguant les manifestants depuis le promontoire de la statue de la métallurgie devant l'hôtel de ville. C'est des photos très belles, mais il faudrait retrouver des versions de presse, il faudrait retrouver les vraies photos aussi. Du côté de la CFTC, on est encore quelques mois avant la transformation en CFDT, c'est le secrétaire de l'Union régionale des métaux, Fredo Moutet, qui est le plus actif. Et donc, il va y avoir des grèves, des débrayages à l'usine, mais surtout, il va y avoir des manifestations avec l'ensemble des confédérations syndicales. Même au-delà, il y a une grande manifestation qui est organisée, alors j'ai plus la date en tête, mais je ne sais plus si on est en mai, avec beaucoup d'autres organisations. Il y a même, des syndicats paysans qui appellent à la grève. Mais parce que là, en fait, l'enjeu, ce n'est pas simplement sauver les emplois de la SFAC. L'enjeu, c'est sauver l'économie stéphanoise. Il va y avoir des reconversions, il va y avoir des placements des ouvriers. Mais en fait, quand début juin, il y a une délégation syndicale qui monte voir les ministres, ministre de l'Industrie, Grandval, ministre à l'aménagement du territoire, Olivier Guichard. En fait, voilà, c'est pour obtenir des crédits, pour faire autre chose. Les emplois de la SFAC, c'est fini. La SFAC à Saint-Étienne, on a très vite compris que c'était une histoire terminée. Mais le but, c'est le mot d'ordre, la Loire veut vivre. Et là, il faut développer les autoroutes, il faut avoir des entreprises qui viennent s'installer, notamment dans la zone de Boutéon, où il n'y a encore aucune usine qui s'est implantée. Mais c'est une grève qui, contrairement à celle des mineurs de 63, va pas rencontrer un écho avec la population locale. Les politiques sont mobilisés, hein, les députés, Vialmassa, communiste, Neuwirth, gaulliste, vont être très motivés pour défendre la cause au Parlement. Mais finalement, voilà, c'est une cause perdue. Et pour terminer, je voudrais juste prendre le temps de lire. Maurice Combes a fait un bouquin qui s'appelle « La Libye » et il a participé à un autre bouquin qui s'appelle « Nous, travailleurs licenciés », qui est un témoignage des ouvriers de la SFAC sur les effets psychosociaux et psychophysiologiques d'un licenciement collectif. Vraiment quelque chose de très traumatisant. On t'écoute. Et voilà, un ancien travailleur de la SFAC qui témoigne en 72, c'est en exergue de nous travailleurs licenciés. Il y a maintenant des gens qui commencent à dire « Oh, mais dans un licenciement, il n'y a pas que des mauvais côtés. Il y a aussi le bon côté de la chose. C'est bon parce que ça oblige les gens à se remuer. Même le directeur nous l'a dit l'autre jour, au comité d'entreprise. Nous aussi, on oublie vite d'ailleurs. » J'aimerais bien qu'on mette certains trucs noir sur blanc, parce que le gars qui a réussi, qui a refait sa vie, on le revoit. Mais le gars, après des années de maladie, qui a laissé sa peau, celui-là, on ne l'a pas revu. Voilà, la grève de 64, on y reviendra un jour dans une autre émission du Grémo, s'il y aurait tellement de choses à en dire, mais là, nous n'avons plus le temps, on est arrivé à la fin. Antoine, un grand merci pour ce parcours industriel qui nous amène finalement au début de la grande crise de désindustrialisation que va connaître la région stéphanoise. C'est très tôt, 1964. Hein, on peut même remonter à 55. Hein. Oui, bien sûr, mais ça montre quand même que la crise dans notre région est venue de très loin. Merci encore et merci à tous les auditeurs de leur patience. Merci beaucoup Jean-Michel et Antoine. Mais c'est encore un grand merci à vous surtout pour assurer ces émissions au contenu ô combien à la fois important mais intéressant également. On se retrouve donc saison prochaine pour une nouvelle aventure, Grémos Dio, une émission qu'on vous propose le troisième jeudi du mois, peut-être sur le même principe et fréquence année prochaine. Je vous propose de terminer en musique parce qu'on approche aussi à la fois de la fête de la musique. On a l'habitude parfois aussi avec le Grémos de terminer sur une émission dédiée. Et puis quelques infos très vite comme c'est la toute dernière de cette saison. Tout d'abord, on rappelle donc ce 16 juin fusillade à Dubrulé à la Ricamari avec un festival qui se déroule depuis quelques jours. Donc il y a cette commémoration ce soir à partir de 18h au Monument des Étoiles avec un concert ce soir. C'est ça, Louis Daquin à la Ricamari, Agnès Bille. Et puis finalement cette commémoration se déroule dans le cadre d'un événement intitulé Résonance et qui se bouclera demain, ce vendredi 17 juin, avec Yvan Marc et Yvan Dautin à la salle Louis Daquin, toujours en soirée. Et puis très rapidement, vous renvoyez vers votre site dédié. Vous l'avez fait à de multiples reprises durant cette émission, mais c'est l'occasion, vu que là on va avoir de la disponibilité et du temps, de réécouter en effet ces émissions. On le rappelle, c'est sur le site du Grémos qui est à l'adresse suivante, grémos.fr, tout simplement. Et puis, comme il y a encore le temps, eh bien moi je rappelle cette série autour du mouvement ouvrier, hein, une fresque épique sur l'histoire de la classe ouvrière européenne du 18e siècle à nos jours. C'est Le Temps des ouvriers en 4 volets. C'est un documentaire qui est à voir et revoir sur notamment la chaîne Arte, avec notamment en voix off un Stéphanois. C'est Bernard Lavillier qui assure la narration de cette grande fresque, de cette série. Et on retrouve dans cette série, eh bien, un auteur, Joseph Pontus, qui a écrit un bouquin chanson à la ligne, c'était en 2019, mais qui a été repris en pendant et versant musical, avec notamment Michel Clou, Pascal Boisiz, Julien Ruffier. Ça donne chanson d'usine à la ligne. Ça me semblait bienvenu, après avoir parlé des usines de la Chaléassière, de terminer sur cette dernière proposition musicale. Ça s'appelle À la chaîne, et on va terminer en guise de générique de fin avec ce morceau, si vous le voulez bien. C'est parfait, en hommage à Pontus, décédé et disparu malheureusement aussi là, dans ces deux dernières années. On se quitte là-dessus, grand merci encore. Merci, au revoir Lionel. À très bientôt. J'imaginais l'odeur, le froid, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Une usine bretonne, de production et de transformation, et de cuisson, de poissons et de crevettes. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace, comme une arête dans la gorge. Dans le cloque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant mon usine. Divagant dans mes pensées, seul déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne.